Ndikomanyanga. François Kimana sur la mise en onde, bienvenue à ce journal et dont voici d'abord le sommaire. Le président du Sénat burundais plaide pour la reprise de la circulation des mototaxis en ville de Bujumbura afin de réduire le calvaire de la population dans sa mobilité aujourd'hui. Le personnel du Centre national de transfusion sanguine, membre du syndicat SINAPA, annonce un mouvement de grève à partir du 26 juin 2024 s'il n'obtient pas le dégel des annales. La campagne d'usinage de la canne à sucre lancée ce mardi à la Sosumo prévoit une production de 20 000 tonnes de sucre. Dans deux semaines, ce produit devrait être disponible à travers tout le pays. Et dans la chronique « Parle, rassure-moi », un socio-anthropologue nous expliquera le danger du silence des groupes sociaux face aux problèmes que connaît la communauté. Bienvenue à cette édition. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le président du Sénat burundais se dit préoccupé par le problème de transport qui s'observe dans le pays. Au cours des questions orales ce mardi avec trois ministres, dont celui chargé des transports, Emmanuel Sinzohagera a demandé à ce dernier pourquoi son ministère ne régule pas les spéculations qui se font sur les tickets de transport et de lui suggérer de collaborer avec son collègue de l'intérieur pour laisser les taxis motos circuler jusqu'en ville. À toutes ces préoccupations, le ministre Chantal Ndjimbele a indiqué que le ministère des Transports est à l'œuvre pour trouver une solution à ce problème. Le point avec Sheila Irambona. Devant les sénateurs, le président du Sénat a montré ses préoccupations par rapport à cette question ce mardi. Il a surtout déploré le silence du ministère des Transports face aux spéculations des tickets de transport et de demander ce que ce ministère est en train de faire pour trouver une solution face à ce problème. On fait des spéculations ces jours-ci et cela s'en gêne. Et vous, au ministère, vous avez croisé les bras, on dirait. Vous n'en faites pas de contrôle. À certains endroits, le bus est à 2500 et les taxis à 30 000 francs burundais. Et tant un ministère chargé de réguler le secteur du transport, est-ce que vous voyez une voie de sortie? Il a également suggéré au ministère des Transports de collaborer avec le ministère de l'Intérieur afin de donner carte blanche aux taximotos pour qu'ils puissent circuler dans la capitale. Vous devriez vous concerter avec le ministre de l'Intérieur pour envisager comment les taximotos peuvent déplacer les gens, comme les élèves, jusqu'au centre-ville. Ainsi, cela les aiderait à continuer à vaquer à leurs occupations. Malheureusement, le ministère ne se montre pas préoccupé. Vous êtes en mode silencieux. À cela, le ministre Marie-Chantal Ndjimbele a répondu que le ministère des Transports est à l'œuvre pour trouver une solution face à ce problème. Sachez que le ministère est préoccupé par cette question. Nous avons tenu une réunion jeudi avec tous les transporteurs. On a analysé tous les contours de cette question avec aussi la chambre sectorielle de la CFCIB chargée de cette question. Nous avons pris des décisions pour ce qui est des mesures transitoires à prendre pour éviter des spéculations. Je vous annonce qu'au ministère, nous n'avons pas croisé les bras. Nous sommes à l'œuvre, mais il y a des choses qui nécessitent l'intervention d'autres ministères. Mais sachez que cette question préoccupe le gouvernement. Signalant que la Confédération des syndicats Kosibu avait également demandé qu'on donne la carte blanche aux taximotos. Cette doléance a été présentée lors de la célébration de la Journée internationale du travail le 1er mai de cette année. Sheila Irambona, la campagne de vaccination contre la rougeole s'est bien déroulée au centre du district de Kamenge. Le titulaire de cet hôpital, André Nakartimana, fait savoir qu'au début de la campagne, beaucoup de parents sont venus faire vacciner leurs enfants, raison pour laquelle ils ont dû faire appel à d'autres infirmiers en provenance d'autres hôpitaux alors que cette campagne qui a commencé jeudi devrait prendre fin ce mercredi. Des parents retardataires disent avoir manqué d'informations à temps. Jean-Marie Vianney Nguindakoumana. Nous sommes à l'hôpital du district de Kamenge, communément appelé Chenhiba, au nord de la ville de Bujumbura. Le constat est que peu de parents viennent faire vacciner leurs enfants contre la rougeole. Dans l'avant-midi de ce mercredi, s'est rencontré à cet endroit, témoigne qu'ils se réjouissent de cette campagne de vaccination, car les enfants vont grandir avec une bonne santé. Ces parents, faut savoir qu'ils sont venus tardivement faire vacciner leurs enfants, faute d'informations relatives à cette campagne. André Nduima Anati, titulaire de l'hôpital de district de Kamenge, indique néanmoins que la campagne s'est bien déroulée à cet hôpital. Il ajoute qu'au début de la campagne, il y avait une grande affluence d'où ils ont sollicité un renfort. Ici, dans notre site SMC Kamenge, en bref, je vais dire que la campagne a été déroulée bien. Au premier jour, les patients étaient moins nombreux. Au deuxième jour, il y avait eu l'augmentation de participation des patients. Jusqu'au troisième jour, au quatrième jour, au cinquième jour, il y avait beaucoup de participation. Au deuxième, au troisième jour, là où nous avons eu beaucoup de patients fréquentés à notre site, nous avons lancé notre appel au chef hiérarchique. Il nous a envoyé d'autres infirmiers qui ont été venus pour nous appuyer. Ce titulaire de l'hôpital du district sanitaire de Kamenge exhorte les parents à faire soigner les enfants dans l'urgence dès qu'ils présentent les symptômes de la rougeole. L'appel que je peux lancer aux patients, je peux dire qu'ils peuvent consulter le médecin ou bien un infirmier. Un enfant présente quelques signes de la rougeole. La campagne de vaccination contre la rougeole qui a été lancée le 13 juillet a pris fin ce mercredi et plus d'un million d'enfants âgés de 6 mois à 5 ans ont été vaccinés au niveau national. Merci à Jean-Marie Vianney pour tous ces détails. Le personnel du Centre national de transfusion sanguine, membre du syndicat SINAPA, pourrait observer un mouvement de grève à partir du 26 juin de cette année. Dans un préavis déposé dans différentes institutions depuis ce mardi, il réclame le DG des Annales, Donatien Nzosaba, responsable du collège autonome des statuts spéciaux, dit qu'il ne comprend pas pourquoi ils n'ont pas été régularisés comme les autres agents de l'État régis par des statuts spéciaux conformément au décret présidentiel irrelatif. Il réclame d'être rétabli dans leurs droits. Suivez-le. Au niveau du Centre national de transfusion sanguine, le CNTS éprouve actuellement un grand problème en rapport avec le salaire du mois de mai. Comme vous le savez, Son Excellence le Président de la République a sorti un décret qui débloque le gel des annales, qui a ordonné que ce dégel soit réalisé et que la régularisation des non-perçus soit opérée à partir du mois de juillet 2023. Les procédures pour tous les fonctionnaires qui œuvrent dans les institutions à statut spécial amorcées, et je pense que tout le personnel, sauf celui du CNTS, a déjà perçu les salaires du mois de mai, y compris le dégel des annales et y compris aussi la régularisation. Au niveau du CNTS, c'est un grand problème, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas ce salaire-là. Jusqu'au 19 juin, le personnel du CNTS n'a pas encore perçu leur salaire du mois de mai. Et avec les conditions de vie actuelles, vous comprenez que c'est vraiment un problème très sérieux. Nous avons décidé de déposer ce préavis de grève pour attirer l'attention de l'autorité, pour qu'ils puissent quand même régler ce problème. Nous ne comprenons pas pourquoi, que ce soit au niveau du ministère de la Santé publique et que ce soit au niveau de cette commission-là, nous ne comprenons pas pourquoi ils restent insensibles à une question aussi pertinente vis-à-vis de la vie du personnel du CNTS. Les injonctions ont été données à de très haut niveau, en l'occurrence au niveau de la présidence de la République, par le décret qui a été signé, je crois, au mois de mars. En l'occurrence, c'est l'ordonnance du ministre des Finances qui a donné l'injonction à tous les ministres de mettre en application ce décret du président. Donc, c'est ça qui nous étonne, en fait. Les autorités ne sont pas sensibles au fait que le personnel du CNTS n'a pas encore perçu le salaire du mois de mai, alors que nous approchons la fin du mois de juin. C'est pourquoi nous avons décidé de déposer ce préavis de grève pour, justement, attirer l'attention de l'autorité, pour qu'il puisse se pencher sérieusement sur cette question. C'est hier qu'on a déposé ce préavis. Donc, le 26 juin, si rien n'est fait jusque-là, nous allons observer un mouvement de grève. Nous allons faire le travail minimum comme c'est préconisé par le Code du travail. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le dis en titre, dans deux semaines, le sucre de la société sucrière du Mosseau sera disponible à travers tout le pays. Annonce faite par le directeur général de la Sosumos au mardi lors du lancement de la 36e campagne de l'usinage du sucre. Le général-major Aloïs Ndaï Kengourou-Kié a indiqué que l'extension de l'usine de la Sosumos est parmi les perspectives d'avenir de cette société pour avoir une production de plus de 30 000 tonnes de sucre. C'est au moment où l'on s'attend à une production de 20 000 tonnes pour cette campagne lancée ce mardi. Les détails avec Doré Bindavité. Cette sirène est un signe que la campagne d'usinage du sucre à la Sosumo a été lancée dès ce mercredi jusqu'à la fin du mois de décembre cette année. La joie était immense du côté des travailleurs et du directeur général de cette usine à sucre. Général-major Aloïs Ndaï Kengourou-Kié ayant profité de cette occasion pour annoncer aux consommateurs de sucre de la Sosumo que d'ici deux semaines, ils vont encore goûter à cette denrée. Selon ce qui se disait ici et là, comme quoi la Sosumo a fermé ses portes, mais vous venez de voir vous-même qu'on n'a pas fermé les portes. Donc nous sommes là, nous commençons la campagne. Donc c'est une joie de fierté et pour le personnel de la Sosumo, mais aussi pour la population en général. D'abord, la population, même maintenant, elle reçoit le sucre. Peut-être le sucre importe. Mais pour le moment, peut-être on va ajouter le sucre et produire localement. C'est le sucre que la population s'attend impatiemment. Nous espérons que d'ici deux semaines, on aura un stock qui pourrait nous permettre de commencer la distribution du sucre et produit localement. Les coupeurs de canne à sucre engagés pendant la campagne sont aussi satisfaits de reprendre le travail qui va leur générer de revenus qui vont les aider à se développer. Ce jeune garçon est originaire de Gitega. Nous sommes très contents aujourd'hui. La Sosumo embauche les jeunes et adultes provenant de différents coins du pays. À la fin de la campagne, le salaire que nous percevrons va nous aider beaucoup en ce qui est développement dans nos familles respectives. L'usine Sosumo compte transformer 270 000 tonnes de canne à sucre pour avoir 20 000 tonnes de sucre, selon Jean-Claude Noari, directeur agronomique à cette société. Il indique cependant que pour revoir à la hausse la production, l'extension de l'usine s'avère nécessaire. L'extension des plantations de canne à sucre va continuer, mais à une vitesse qui n'est pas attendue, parce qu'on devrait aller en même temps avec l'extension de l'usine. Vous comprenez que si on a des cannes reportées, c'est la perte de l'argent. Normalement, on devrait faire l'extension des plantations en même temps que l'extension de l'usine. La direction générale de la Sosumo demande au gouvernement d'approvisionner à cette usine les quantités suffisantes du carburant pour que cette 36e campagne d'usinage du sucre ne puisse être perturbée. De Horeb Ingabire, les Burundais qui transitent dans le camp de Kavimvira, République démocratique du Congo, sont appelés à rentrer dans leur pays natal puisque ne pouvant être considérés comme réfugiés jusque-là. Appel lancé par le directeur général en charge du rapatriement après avoir constaté que des enfants burundais estimés à 400 vivant dans ce camp ne sont pas sur le banc de l'école depuis plus de deux ans. Nestor Bimenyimana indique que le Burundi compte en parler avec la RDC, déplorant que le nombre de Burundais à Kavimvira ait augmenté pour des spéculations liées au paquet retour destiné aux rapatriés. On l'écoute. Nous avons réfléchi de pourquoi ce déplacement vers Kavimvira. Parmi les raisons majeures qui sont directement venues, avec la récente proclamation de la promotion de rapatriement, nous avons revu à la hausse le paquet retour. Donc auparavant, on donnait 150 dollars par individu, mais 150 pour l'âge majeur, plus de 18 ans, avec 75 $ pour les mineurs. Mais avec la promotion, on a passé de 150 à 200, sans toutefois considérer l'âge. Bien évidemment, avec d'autres articles, les vivre et non vivre. Dans ce sens, on a observé d'un coup le mouvement de traverser la frontière. Et après 2-3 jours, il y retournait comme des rapatriés et réclamait de facto son montant qu'on donne aux rapatriés. Et nous avons procédé directement à décourager ce phénomène. Donc, ces citoyens qui sont installés à Kavimfira, ils sont vraiment encouragés de retourner au Burundi pour que ces enfants puissent retourner à l'école. Ces enfants, certains viennent de passer 2 ans, même plus, dans son camp. Est-ce que vous en êtes au courant? Passer 2 ans, 3 ans au centre de transit dans notre pays, cela découle de la responsabilité et de la souveraineté de son pays. Nous, en tant que les techniciens dans le processus de rapatriement, nous ne pouvons pas aller insister dans un autre pays, dans un pays souverain, pour la gestion des réfugiés ou demandeurs d'asile. Dans notre mission, c'est de sensibiliser au retour. Et s'ils demandent que l'aide du gouvernement burundais pour le rapatriement au pays? Notre aide est toujours rassurée pour un réfugié qui est officiellement réfugié, qui est dûment enregistré et qui a eu le statut d'asile. Isanganiro. L'actualité continue sur Isanganiro, l'exclusion politique des postes techniques permettant au pays de s'acheminer vers le développement aurait été parmi les causes de l'échec de la mise en application des projets du président de la République, dont le souhait est que toute bouche ait à manger, toute poche ait de l'argent. Analyse du parti Savanya Frodebou après 4 ans de direction du pays. Phineas Nigaba, vice-président et porte-parole de cette formation politique, souhaite que les postes politiques soient attribués sur base de compétences. On l'écoute. Selon le Frodebou, le slogan du président de la République qui disait que chaque bouche est à manger, chaque poche est de l'argent, c'était un bon slogan, mais le slogan vraiment n'a pas été mis en application. La population se trouve dans une pauvreté extrême parce que si nous regardons comment la population vivote actuellement, on ne peut pas dire que la population a de l'argent. Voir comment même les fonctionnaires puissent atteindre le début du mois, c'est très difficile. Il n'y a pas d'argent dans les poches de la population. Par conséquent, il n'y a pas à manger. Nous, au niveau du Frodebou, nous pensons que l'entourage du président de la République peut être comme problème parce que le chef de l'État prononce de bons discours, mais on ne voit pas les fruits de ces discours. Nous pensons que ceux qui exécutent n'exécutent pas correctement selon la volonté du président de la République. Deux, on peut penser à ce qu'il n'y a pas l'homme qu'il faut dans la place qu'il faut. Donc, les postes techniques devraient être responsabilisés à des personnes qui ont des compétences dans les différents domaines. Mais ce que nous constatons actuellement, il y a une exclusion que je dirais politique. Les appuis budgétaires ne viennent pas régulièrement. C'est qu'il y a des conditionnalités qui ne sont pas remplies. Les vœux du président n'ont pas été atteints, mais ça ne devrait pas causer de problème parce que améliorer ou bien assainir les relations diplomatiques, ça, ce n'est pas un grand problème, mais il faut respecter seulement les conditionnalités. Concernant maintenant les techniciens qui devraient être embauchés dans les différents secteurs de la vie du pays, ça ne devrait pas causer de problème parce qu'il y a beaucoup de techniciens ici au Burundi. Seulement, il faut voir comment tenir compte des compétences et non d'appartenance politique, religieuse, je dirais régionale. Il faut mettre ça à côté et tenir compte seulement de compétences. Concernant maintenant l'entourage, c'est bien lui, le chef de l'État, qui voit comment l'entourage travaille. C'est à lui maintenant de voir si cet entourage-là l'aide convenablement. S'il voit qu'il y a un problème, il faut maintenant passer à l'acte et amener un bon entourage dans son milieu de travail. Place à l'éducation à présent. Un don de 50 matelas a été octroyé au lycée Rumonge ce mercredi par le diocèse catholique de Bururi. L'envoyé de l'évêque du diocèse catholique de Bururi a indiqué qu'il s'agit d'un don pour contribuer à l'amélioration du rendement scolaire, arguant qu'un élève bien reposé maximise sa force dans l'apprentissage. Tous ceux qui se sont exprimés ont appelé au bon usage de ces matelas afin qu'ils servent même aux générations futures. Un coup d'œil à l'internat permet de constater que certains matelas sont dans une extrême vétusté, n'est-ce pas Jean-Pierre Misako? Ces matelas d'une valeur de 6 millions de francs burundais est un don de Monseigneur Salvatore Nicitereze, évêque du diocèse catholique de Bururi, selon Abbé Syriac Sindaikengera, envoyé de l'évêque du diocèse catholique de Bururi, qui a remis ce don sans mes crédits. Il s'agit d'une contribution dans l'amélioration des conditions d'apprentissage, puisque selon lui, un élève bien reposé a de la force pour réviser ses cours et comme cela, améliorer ses résultats scolaires. C'est un don intervenu au moment où dans certaines parties du dortoir du lycée Rumongue, les matelas sont dans une extrême vétusité. La terre enseigne qu'on peut les comparer à deux simples nattes ou tout simplement des morceaux rassemblés. Mais il y a des matelas distribués encore en bon état, mais qui actuellement sont déchirés pour servir de papier hygiénique. Ceux qui se sont exprimés au terme d'une messe célébrée à cette occasion ont fustigé ce comportement de certains élèves, un comportement sans fondement, vu que les parents d'élèves se sont convenus d'acheter des papiers de toilette pour leurs enfants, selon un représentant des parents. Ils ont donc demandé à ces élèves d'en faire bon usage pour servir même aux générations future à améliorer les résultats scolaires. Environ 150 matelas sont encore nécessaires pour vider cette question, selon le directeur de l'internat à cette école. Le diocèse catholique de Bruli avait dernièrement contribué dans la construction de la clôture de cette école à la hauteur de 10 millions de francs burundais. Jean-Pierre Misago de Pirumongue, Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Des groupes peuvent garder le silence, bien qu'il y ait d'énormes problèmes gangrénant la société. Ce comportement peut être dû au fait que des autorités semblent indifférentes à ces problèmes ou soit qu'on a un sentiment de peur, explique le socio-anthropologue Blaise Izerimana, qui suggère aux responsables de trouver solution aux problèmes pour éviter des violences de masse. De leur côté, les habitants de la commune Kayokwe en province Mwaro disent que cela résulte de la résilience aux défis. Les États avec Mary Kanyang. Certains de ces habitants de la colline Sassoué, en commune Kayokwe, font savoir que la population peut opter pour le silence si elle voit qu'elle fait face à des problèmes dans la communauté ne trouvant pas solution. Dans une communauté, on peut libérer une pensée qui est appréciée positivement par les uns. Les autres peuvent dire que cette personne n'a pas bien fait. Ainsi, l'on opte pour le silence. Avec les partis politiques, un peut être du CNL et l'autre du CNDD-FDD. Si par exemple je dis ce que j'ai entendu dans l'un des partis, l'on peut mal interpréter mes propos. L'une des causes de cette résilience conduisant au silence est que la population peut trouver indifférent certains responsables, estime Blaise Izerimana, socio-anthropologue. Il y a des situations où on peut préférer garder le silence. En premier lieu, on peut constater qu'il n'y a aucune personne ou institution qui est préoccupée par tel problème. Surtout lorsque la justice n'est pas indépendante. Dans ce cas, les personnes ou groupes d'OGA préfèrent rester silencieux parce qu'ils voient qu'il n'y a personne qui se soucie de les problèmes. Ils se disent à quoi sert de donner ma version alors qu'on ne se soucie pas de mes problèmes. La deuxième cause, c'est lorsque on a été intimidé. Vu que le silence peut aboutir à des violences de masse, Emmanuel Nduimana, conseiller économique de l'administrateur de Kayokwe, appelle la population à exprimer leurs doléances lors des réunions organisées par l'administration. Les conséquences d'un tel silence peuvent être fâcheuses dans la communauté, explique le socio-anthropologue qui fait référence aux crises qu'a connues le Burundi. Par exemple, on ne peut pas nier que les violences qu'a connues le Burundi n'aient pas été causées par d'autres situations. On pouvait t'empêcher de faire d'audio public ce que tu as à dire. Mais c'était pas terminé. On disait ça à tes proches, à tes enfants. Et les enfants grandissaient avec la haine, avec l'esprit de vengeance. Blaise Izerimana, socio-anthropologue, appelle les responsables dans la prise de décision à s'atteler aux problèmes épineux et trouver solution pour ainsi éviter à la longue des frustrations menant sur des violences de masse. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à François Kimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikobananga. Bonne suite des programmes sur Sanganito.